demande aux frères en mes fers. Et comme Redouane on va fuir, l'hélico tombe dans la ville. C'était les études ou le vol, on a choisi le RAP. Et je crois qu'on s'est pas trompé. Et maintenant que c'est nous les trompas, on va revoir les contrats. Je dois faire plus de ronds qu'un compas. L'habite en I comme le compète. OG Hassan, je redécapote encore. Et le jean est noir comme mon cœur. Escroc comme Rocancourt, j'ai même plus le temps de faire la guéguerre. Ramène la mallette de violet, réinvestir dans mon pays. Les petites coupures, c'est pas pratique. Et pareil, c'est magique pour ceux qui ont du bif de Teco. Du bif, du bif. Ouais, pareil, c'est magique pour ceux qui ont du bif de Teco. Radio Sud. Radio Sud. I want to know who motherfucking representing it here tonight. Hold on, hold on. I keep letting you back in. How can I explain myself? You said you cared for me, baby. Louisiana shit. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you know? Yeah. Everybody get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fabo. And you're showing off, but it's alright. And you're showing off, but it's alright. It's a short life. That's a real one in your reflection. Without a follow, without a mention. You really piping up on these niggas. You gotta be nice for what to these niggas? I understand. You got a 100 bands. You got a baby Benz. You got some bad friends. High school pics. You was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense. You already had them. Work at 8 a.m. Finish round 5. Post talk down. You don't see them outside. Yeah, they don't really be the same offline. You know dog days. You know hard times. Doing overtime for the last month. Saturday, call the girls. Get them gassed up. Gotta hit the club. Gotta make the ass jump. Gotta hit the club like you hit the motherfucking angles. With your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life. These hoes. Your boy, Ame. Watch the breakdown. Radio Sud. Si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. vie fut autrement si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait que t'aimer. Virtuel, des tutos pour du rimmel. Snapchat, Snapchat, dis-moi qui est la plus belle. Pour elle, être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émotis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle est insupportable et comme elle irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Tu me partages tes rêves et tes doutes. Que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvaises herbes sur ta route. Qu'importe que dit ou pense le monde, tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres. N'oublie pas qu'elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Radio Sud. Radio Sud. Besançon. 101.8 FM. Espi Langside. Tu parles mais el negocio socio. De día y de noche me llama. Night and day. Que le quiere de nuevo en mi cama. Latino, ¿qué? No fue suficiente una vez. Shanda po. Ahora de día y de noche reclama. Chicks is for kids and we don't play games. Straight business, hey me girl, tiny funny jack. Hear what me saying, Balvin, tell them again. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tienes contra la pared. The thing when me give her one time, she loving it so much she a bit pants feed all. I them a meet and me give her two time. That's how when me start see the girl I get wild. Three time me give her the wickedest one. She loving that style and she love the profile. Four time me give her that grind. Say well bello colors in her mind. Fuego, fuego, say the girl a ball fuego. Anytime she want me, be set it on fuego. De día y de noche me llama. Night and day. Que quiere de nuevo en mi cama. Ya lo sabe. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Buscara, macara, di que fue. Que me tenés contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos a diez. Se nota ya, se fuma sola la boca ya. Me pide un trago de fruta. Yo sé cómo es que disfruta y cómo le gusta. A ella le gusta ya. Se nota, se quita sola la ropa. Ropa. Si es otro shot a la roca. Roca, roca. Sé que todo le provoca. Cuando se aloca. She might as well be attached to me. Now she can't go a day without chat to me. Said

Ok, la 25e ce soir, jeudi 17 octobre. L'émission spéciale Molly ce soir, il est 22h19. On a pris le train en marche tranquillement. Pour ceux qui nous écoutent, qui aiment bien le football, une petite information avant de commencer. C'est quoi l'information? Lundi soir, 9h15 à la Malcolm, gros match de futsal. C'est quoi? C'est le Bezac contre le Sporting Futsal Besançon. Donc ça va se tuer lundi soir en futsal. Soyez nombreux, venez. Voilà, donc ça c'était la minute sportive. Yes, donc ce soir l'invité de l'émission c'est l'ami Fares, fondateur, je ne sais pas si on dit comme ça, du magasin Molly à Besançon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Besançon, Molly ça se situe au 60 rue Berceau, donc c'est dans la boucle, la rue où il y a pas mal de bars et pas mal d'autres magasins d'ailleurs. Et si vous voulez le retrouver sur les réseaux, donc il a pas mal de réseaux, hein. Donc je vais vous les énumérer. On a Insta, on a un site, on a Tumblr, si je me trompe pas, Twitter, Facebook. Mais la plupart des abonnés sont sur Instagram, donc chez Molly, tout attaché. Donc Molly, c'est M-O-2-L-Y. Donc déjà plus de 6000 abonnés, hein, sur l'Insta, c'est déjà pas mal. Le Facebook, c'est Molly, tout simplement. Le site, c'est chezmolly.co. Le Tumblr, c'est chezmolly.co, tout attaché. Et le Twitter, c'est chezmolly. Donc ça va ou quoi, Fares? Ça va. Tranquille, ça va, t'as fini par trouver. Yes. Rue d'Anvers. Tiens, mets bien le micro devant toi. Donc pour les auditeurs, voilà, la 25e... Ah, t'avais un truc à dire? Non. La 25e, c'est promotion de la culture urbaine, donc vraiment au sens large. Ce soir, on a décidé d'inviter le poteau, la SAP, le skate, tout cet univers-là. J'avais envie d'en parler un petit peu aussi dans l'émission. Donc Fares... Comment ça va? Ça va, tranquille. Dure journée de taf? Longue. Longue journée? Ouais, yes. Ça. Ok. Dis-moi, je voulais faire juste un peu, tu vois, historique, présentation, tout ça, d'où tu viens, etc. Donc ma première question, c'était quand est-ce que tu as ouvert le magasin officiellement? Il y a combien de temps à peu près? Il y a 5 ans, au mois de mars. Yes. À passer le plus gros, comme on dit. Yes. Puis maintenant, on essaie de se développer un maximum dans ce qu'on sait faire, vendre des skates et tout ce qui est dans l'univers du skate. Yes. Quand tu as commencé, c'était SAP et skate ou c'était. C'était deux mélangés. Skate, skate shoes, skatewear. Ok. Mais aujourd'hui, on peut mettre tout ça dans l'univers du streetwear. Yes. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de bouillard. Il n'y a pratiquement plus de marque de streetwear en soi aujourd'hui. Yes. Vraiment corps dur de la street, comme on dit. Et on va trouver un maximum de... Enfin, aujourd'hui, le skate, c'est dans la rue. Yes. Donc on peut dire que c'est du streetwear. Ok. T'as commencé ça tout seul? T'étais avec des gens? Je suis bien entouré. Yes. Ouais, j'ai un mec qui s'occupe de la com. Ok. Son blaze, c'est Doggy. Yes. Big up. Big up, voilà. J'ai un autre ami qui s'occupe de toute la partie du site, web, tout ça. Ok. Développement, c'est Reynald. Ok. Lui, il est sur Paris aujourd'hui. Tout va bien pour lui. Et un autre mec qui s'occupe aussi de tout ce qui est site web et tout depuis pas très longtemps, il nous a rejoint là. Il s'appelle. Son prénom. Ça fait pas longtemps qu'il est avec nous. Peut-être qu'il a un blaze, hein, tu peux nous... Non, ça fait pas longtemps qu'il est avec nous, tu vois. Il s'appelle... François. Voilà, François. Et lui, il est en Norvège, en fait. Ah ouais, ok. Ouais, il nous a rejoint depuis la Norvège. D'accord. Ouais, c'est un ancien Byzantin. Ah ouais, ok. Voilà, il a suivi le projet, il était plus jeune, c'était un client à la base. Ok. Super passionné par tout ça. Si. Puis après, il a continué ses études dans le web. Et on a fini par travailler ensemble, parce qu'il comprenait bien l'univers et vers où on allait. Ok. Petite question personnelle, avant d'ouvrir ton shop, tu faisais quoi? T'es étudiante, t'étais... Non, je travaillais déjà dans un magasin streetwear sur Belfort. Ok. J'ai travaillé pendant 11 ans. Ok. J'ai fait toutes mes études en apprentissage dans la même boutique. Après, j'ai travaillé 5 ans, et puis on a fait nos classes. Ok. Puis on pouvait faire pour soi-même, quoi. Ok. D'accord, donc t'as toujours baigné un peu là-dedans, au final. Et pourquoi Besançon, du coup? Parce que tu me parlais de Belfort, là. Bah, Besançon, c'est pas compliqué quand tu viens de Belfort, tu vois. Parce que quand tu finis tes études, tu vas soit à Strasbourg, yes, soit à Besançon. Okay. Puis avec les loyers et tout, qui sont super chers sur Strasbourg, c'est pas tout le monde qui va sur Strasbourg. Du coup, les gens, ils vont plus sur Besançon. Donc j'avais déjà une espèce de base client. Okay. Puis il y a tous mes potos aussi du skate, justement, du Sirocco Skate Club. Ok. Et voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, qu'on se voit très souvent. En plus du skate, c'est vraiment, vraiment le sang, comme on dit. Yes. Puis voilà, okay. Le choix, il était vite fait pour la ville. Donc moi, je te le dis, moi et le skate, ça fait... C'est deux univers, c'est deux galaxies opposées. Hein. Mais je trouvais ça intéressant de pouvoir t'inviter et justement de pouvoir en parler ce soir, donc voilà le pourquoi du comment du ouais, choix ça de, fait de plaisir, l'émission. Ça fait plaisir. Et puis bon, ben voilà, après je connais un peu le shop, je viens une fois de temps en temps, tout ça. Normal, tu vois, ouais, normal. Ouais. T'as tourné ton clip chez nous d'ailleurs. Voilà, on a tourné le clip, ouais. C'était quoi, en 2018 exact. Non. C'était, oui, 2000. Ouais, c'est ça, 2018, hein, si je me trompe pas. C'est ça. 2018, il me semble. D'ailleurs, réalisé par l'ami Frère Gras, tout ça. Donc, big up et puis une petite pensée à l'ami. Et encore désolé pour François, le poteau. Je vous ai appelé son prénom tout à l'heure, t'as craint. t'as pris une sauce ou quoi? Ah, j'ai le droit à un petit message. Big up le Norvégien, t'inquiète, hein, pas de soucis. écoute, vu que j'ai pas mal de questions, ce que je te propose, tu nous as fait une petite playlist. Donc ça, je tiens à te remercier parce que vraiment, la playlist, elle est chaude, sa mère. Elle est chaud. Donc j'ai pas mal de sons là. Est-ce que toi, t'as un son ou deux là comme ça qui te viennent en tête ou est-ce que je balance comme ça? Ah, moi, ce que j'écoute à fond, c'est Lil Creed, Snake. Alors super, attends, super lourd. Je vais chercher ça. Alors, Lil Kid, Snake. Yes, Lil Kid. Quel bail? De quoi? Ah non, je regarde l'écran en fait. Je me décale parce que j'ai plein de bails devant moi. J'ai oublié de te dire qu'autour de la table, donc on a Edinho, donc un rappeur du coin, rappeur byzantin. De l'autre côté, on a l'ami Tawen, jeune entrepreneur de Tic Tac Sushi. Donc un autre petit délire. Derrière, on a le poteau Molo. Donc tu comprendras, il a fait la pub pour le club de foot. Puis là, on a l'homme qu'on appelle l'animal. L'animal. Voilà. Mike, 25 000 voilà. Ajoutés. Donc, si jamais il cherche du taf. Yes, donc j'envoie Lil Kid Snake. Et puis après, je regarderai un peu. J'en enverrai un autre dans la foulée. Et puis, on reprend tranquillement les questions. Donc, on est toujours dans la 25e. Il est 22h28. L'émission spéciale Molly 101.8. Radiosud.net ce soir. C'est Molly, c'est l'ASAP, c'est l'univers skate. On est culture urbaine à fond, les gars. Donc j'envoie le son Lil Kid Snake. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h minuit. Radiosud.net. 101.8. Came for your hoe, she won't spend a night. I ain't come alone, fire on my side. No, on my own, I'm not a knight. Nigga too sharp, nigga need a knife. Drink it out of juice, I don't need a Sprite. Fuck them by the two, they both tryna ride. Then I ditch them both, I ain't even right. Hot top Chanel, bitch, we drippin' right. Young white cell, bitch, we livin' life. Snake. pussy, I dive right in. Before the license, I was driving. Set him up like a team. Then he get stretched. Jet like Grinch. Taking that shit. But he get off the exit. Then he get stretched. We do it for Snake. Take a deep breath, make him slow down. No, I'm not scared of no man. You got a time to revenge. Make his different mind pants down. Yeah, if you saw my better eat a man. But I shoot a good girl, be home when my shoot it out in the open. Extendo on me, be poking. Extendo on me, be poking. Got a dirty 30 on me, stick as it do. That's the reason your girlfriend keep choking. Dirty 30 on me, better stick to me. I'm up on them, they is not shit to me. Don't got a 30, then that's not a clip. Count up too many damn in my pocket like history. Extendo, yeah, extendo, yeah. All my got extendo, yeah. We all know you pretendo, yeah. Switching up like Nintendo, yeah. Extendo, yeah, extendo, yeah. Do-do-do-do at your kinfolk, yeah. I could bend your back like it's limbo, yeah. Knock him out, hit his chin bone, yeah. Look how that thunder hanging out. Look how that shoot now. Look how that shell hit the ground. Bow, bow, bow, bow, bow. Another 100 round. Bow, bow. a steno, yeah. Everybody got a steno, yeah, a steno, yeah, a steno, yeah. Play with me, you pretend, yeah. Play with you like a tenno, yeah, yo. Got a steno, yeah, a steno, yeah, a steno, yeah, yeah. Keep a steno, yeah. I just love me a steno, yeah. Gotta keep me a steno. Sippy Kimbo. Let's go. Diamonds and all that. Throw it up. You know that's up. Let go. Yo, Pierre, you wanna come out here? La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, la 25ème, on est toujours là pour l'émission spéciale Molly ce soir. Attends deux secondes. Yop là. Perfecto. Dis-moi tout. Pardon, excuse-moi. J'ai des trucs qui m'arrivent sous les yeux là. Je n'arrive pas à supporter. Mes yeux ne supportent plus. Donc, on était dans l'émission Molly jusqu'à minuit sur Radio Sud, Radio Sud 101.8, Radio Sud.net. Molly, je dis Molly, mais je vais dire Fares quand même. Je voulais passer un peu aux questions plus autour de la SAP en général, autour de la SAP skate. Je sais pas ce qu'on dit, mais skate, on vend pas que des marques de skate, on vend aussi des marques comme Patagonia. Yes. Patagonia, c'est tout ce qui est montagne, technique. Mais justement, attends, je vais en venir à tout ça. Mais le plus gros de ce que tu vends au shop, c'est quand même autour de l'univers du skate. Ah, complètement. Et pourquoi plus cet univers-là qu'un autre? Parce que c'est l'univers dont je suis issu. Ouais. Ok. Voilà. En gros. Ok. Et ça t'intéresserait pas de on va dire diversifier un peu plus encore, ou tu préfères rester dans ce créneau-là? Non, je préfère rester vraiment dans ce que je sais faire, les sujets dont je peux parler, discuter, puis pas trop me diversifier, non, parce que déjà les marques aussi, elles aiment pas trop. Okay. Elles aiment bien qu'elles restent dans le même univers, pas trop se retrouver dans des points de vente qui ont rien à voir. Okay. Il y a plus trop de cohérence en fait. Ouais. Après, t'as vite fait de mélanger. Les segmentations, comme on dit, les catégories. Yes. Et j'avais une question, c'était comment tu choisis les modèles que tu ramènes au shop? Est-ce que c'est une question de goût, tu kiffes le truc et vas-y, tu le prends? Ou est-ce que ça va plus loin que ça? Non, ça va plus loin. Et puis après, c'est... Je sais pas comment trop dire, mais genre moi j'arrive à me faire influencer facilement par ces marques. Okay. Déjà, parce que avant de les vendre, je suis client. Yes. Donc du coup, j'ai tendance à valider leurs idées et puis leur façon de penser, voir les choses. Yes. Parce que ça nous parle, surtout quand t'es pratiquant en fait. Ok. Pratiquant de skateboard. Skate. Okay. Et voilà, en gros. En gros, si je m'amusais en gros à choisir que par rapport à moi, je vendrais pas grand-chose, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Ok. On est plus à vendre ce qui se vend, yes. ce qui marche ailleurs, dans les plus grandes villes, dans les autres pays, et puis on prend exemple. Mm-mm. Les points de vente, ils sont connus aujourd'hui, donc ils valident à notre place, on va dire. Okay. Nous qui sommes des petites boutiques de province, okay. entre guillemets, mais on est quand même sur le net en France, on arrive à se démerder. Mm-mm. Mais les collections, tout ça, on regarde ce qui se fait ailleurs. Ok. Puis on essaie de faire les trucs qui se rapprochent le plus, voir les mêmes choses. Ok. Pour que les gens ils soient contents. Et justement, toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu vends le mieux, en vrai, dans tous tes produits? Est-ce qu'il y a plus un truc qui part que autre chose? Le hoodie à capuche. Ok. Et des t-shirts. Hein. Ok. Mais le hoodie à capuche, il est fort. Ok. Mm-mm. Parce que j'allais dire, justement, c'est quoi le... On va dire le... pas dire la SAP, mais si on parle de skater, c'est quoi qui... Tu vas voir un mec, tu vas dire ouais, il a ça, Lui, c'est un délire de skater. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un truc comme si ça? Si aujourd'hui les gens qui écoutent et tout. Basket. Ouais. Suite à capuche et grande basket. Ouais, tu dis, mais aujourd'hui c'est la mode. Ouais. Aujourd'hui on est en plein dedans. Là, je te parle du cliché. Ouais. Mais c'est pas si tu sais, t'as raison, 100%. Aujourd'hui, regarde, toutes les marques de luxe, elles font des grosses chaussures. Elles mettent des casquettes. Il y a 15 ans en arrière, ça n'existait pas, tout ouais, ça. Grave. C'était que de la soie, du cachemire, des matières de ouf, du coton, du Japon, des trucs de malade. Aujourd'hui, leur meilleure vente aux marques de luxe, c'est des hoodies à capuche aussi. Ok. Voilà, sauf que, tu vois, la grosse différence, c'est les marges. Parce que, au coût, c'est du coton 100%, même grammage, ça ne coûte pas plus cher. Et c'est là où l'univers du skate, il peut rejoindre vite fait l'univers du luxe. Parce qu'il y a un libre arbitre et il y a un savoir-faire aujourd'hui aussi. Si tu regardes là toutes les dernières marques de luxe, Gucci, Louis Vuitton, toutes ces marques-là de A à Z, ils ont tous fait des trucs, des collabs avec des marques de skate. Là, si vous vous connectez tous sur la page Gucci Instagram, il y a une rubrique. Les 14 derniers posts, c'est que du skate, ils communiquent sur des skateurs. Si okay. Il y a deux ans, c'était Louis Vuitton Supreme. Ouais. Supreme, c'est un skate shop avant tout aussi. Donc, tu vois, c'est validé. Saint-Laurent, ils font des skates, ils utilisent des modèles. Il n'y a pas Bape ? C'est pas une marque de skate, ça, là ? Non. Bape, c'est la marque Anigo, c'est un poteau des skateurs, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est surtout un grand collectionneur, un mec qui est précurseur dans... Et il est proche de l'univers du skate. Ouais, un peu. Ok. Il est proche de Pharrell Williams. Aussi. À fond. Du pareil, coup, on va en venir à tout ça. C'est noté dans mes petits papiers. Petite question comme ça. Définition. Pour moi, pour toi, c'est quoi ta définition de être sapé ? Je vais te demander deux définitions ce soir. Pour toi, c'est quoi être sapé ? C'est bien porter les habits. Bien porter les habits. Ouais. Ok. Et pas forcément mettre de la marque ou. Yes. Ou mettre des trucs qui sont clinquants, qui font que. C'est comment tu le portes. Ok. De quelle manière. Et ta définition aussi de être à la mode. C'est justement de ne pas être à la mode. C'est aller contre les codes. Ok. Ok. Merci. C'est tac-tac, c'est réponse cash, c'est tout ce qu'on veut. je guettais un peu, tu sais, les photos, tout ce qui est lié à tes réseaux. Et puis du coup, on avait eu cette discussion un petit peu aussi la dernière fois quand j'étais passé. C'était tes modèles, les modèles photos, tes éditoriaux. C'est quoi ? Est-ce que tu peux m'en parler aussi ? Ouais, bien sûr. Hein. Tout début, c'est parti sur un délire plus de... Enfin, ça, tout est dans le sens de façon de la vente. Okay. Si on fait tout ça, c'est pour vendre, pas pour faire autre chose. Ou se mousser ou quoi, tu vois, c'est vraiment pour vendre. Donc déjà, c'est pour porter les habits, dans les habits portés, ça change. Parce que sur notre site, en fait, t'as les habits qui sont posés sur un fond blanc. Yes. Du coup, t'as pas de recul sur la façon de comment ça peut tailler ou quoi, si ça peut aller à une femme ou pas. Donc du coup, on fait des éditos pour montrer qu'en gros, les habits qu'on vend, ils peuvent être portés assez facilement, ils peuvent être matchés facilement aussi. Voilà, donc au début, on était parti sur un délire de prendre des acteurs connus, des modèles connus, tout ça. Puis au final, on s'est vite rendu compte, en fait, qu'à Besançon, dans la région, ça suffisait. Il y avait des gens qui avaient du talent et puis qu'on pouvait travailler avec eux. Pas mal d'écoles, pas mal de trucs, pas mal de photographes, des jeunes. Ça fait kiffer tout ça. Donc du coup, y a de quoi faire ici. Y a vraiment de quoi faire. Ok. Avant, on allait sur Paris pour prendre des photos. Aujourd'hui, on les fait ici. On est content. Normal. C'est mieux. Ok. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que carrément pour les photos de tous tes réseaux, t'as des mecs qui sont venus, qui sont sortis. Qui t'ont fait ça normal. C'est ça. C'est ça. C'est des étudiants pour la plupart du temps. Yes. C'est des gens qui. Voilà, j'ai. Soit ils font ça à la base, soit on les fait kiffer avec ça. Ok. Et dans tous les cas, on kiffe tous ensemble. Il n'y a pas de bif derrière, il n'y a rien. C'est que de la mousse, comme on dit. Okay. On se fait mousser. Est-ce que, parce que tu me disais, en fait, en tant que petit shop de province, entre guillemets, Tu me parlais des plus gros shops un peu partout. Est-ce que tu as quelques références comme ça que tu peux nous donner? Moi, je te parle en tant que mec qui connaît rien. Hein, tout à l'heure, je les ai cités. T'as Supreme, t'as Palace aujourd'hui. T'as Starco à Paris. T'as des gros shops comme Civilis à Berlin. Ok. Tout ça, c'est des shops hyper influenceurs. C'est les restaurants qui vont s'y habiller. Ok. Ça vient avec leur. Enfin, voilà quoi. C'est des gens qui portent leurs sachets. C'est ce qui fait que tout ça, c'est très loin aujourd'hui. Ok. Comme ça, si je te dis. J'aime bien faire ça avec les mecs qui rappent, tu vois, qui viennent dans l'émission. Ouais, ouais. Je vais essayer de l'adapter avec toi. Si je te dis comme ça, au tac au tac, une paire de pompes classique, référence, pour toi, c'est laquelle? Comme ça, là. C'est la Vans Half Cab. Vans Half Cab. Ouais. Ok. Vraiment. Ok. Écoute, je sais pas. Je crois voir à peu près comme ça, mais faudra que je regarde. Mais le mec, en fait, c'est Steve Caballero qui l'a fait. Ouais. Ça, je connais parce que je jouais à Tony Hawk. Ouais, voilà, ça, c'est ça. Ouais. Donc, c'est une légende aujourd'hui. C'est un ancien. Yes. Et il skate encore, d'ailleurs. Et puis, ce mec-là, il y a pas longtemps, là, il a fait une interview pour un magazine de skate qui s'appelle Gene Kem. Ok. Où il explique comment il s'est inspiré pour faire cette chaussure. Et puis, il s'est inspiré principalement de la Jordan 1. Ok. Voilà, la Dunk, yes. Tout ça. Ok. Donc voilà. Puis aujourd'hui, pour faire du skate, c'est une des chaussures la plus costaud qui ne s'abîme pas, qui ne déchire pas. Ouais. Après, je dis ça, au pied, j'ai une paire de Nike, tu vois. Ouais. C'est juste, pour moi, c'est la meilleure pompe pour faire du skate. Quoi. Ok, d'accord. Ouais, chacun a son, ouais, chacun voilà, a sa manière de manier le skate, on va dire, avec. C'est ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est. Le skate, c'est comme un autre sport, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as plein de gens qui vont s'habiller... Pardon. Mike, qui veut faire du skate en TN. Il y a un moyen. C'est adéquat? C'est un moyen, il y a de l'amorti. Il y a de l'amorti. voilà. C'est dit. Ok. Donc Mike, il est en train de chasser un stage chez Molly en même temps. Okay. Voilà, c'est... Donc la Vans Half Cab. La Vans Half Cab. Et pareil, avant de me remettre un petit peu ta playlist, est-ce que t'as, on va dire, tout art confondu, une personne qui t'inspire dans ton taf? Ça peut être n'importe qui ou une célébrité ou j'en sais rien, tu vois? Non. Non? Non, c'est sur le taf. Ok. Vraiment, il y a trop d'influence. Ouais. Pour en citer qu'une. Je pourrais pas. Non. Ok. Non. Yes. Très bien. Non, c'est trop compliqué comme question. Ok. Bon, écoute, moi, je vais me replonger tranquillement dans ta playlist. J'ai encore pas mal de sons. Je pense que je vais mettre play et qu'on va laisser, défiler tout doux. Je te propose, je mets 2-3 morceaux. Tu fais ta petite pause tranquille et puis on continue ça au calme. C'est parti. Yes. La 25e, 22h. 48 exactement, Radio Sud, 101.8, radiosud.net. On est avec le poteau de chez Molly, 60 rue Berceau à Besançon. Pour tous ceux qui kiffent la sap, pour tous ceux qui kiffent le skate, pour tous ceux qui kiffent tout simplement faire du lèche-vitrine. Il y a de tout. Voilà, allez jeter un coup d'œil, ça en vaut le détour. On est toujours là jusqu'à minuit. Yes. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Bitch, it's your day. Stop staring at my timepiece. Hey, this is my young nigga. I know he think we forgot about him. We ain't forgot about you, bro. I know you ain't heard from us, but shit. We ain't heard from you. Hit us up. You know a lot of kids play. Like my nigga 14, but doing 20. Young nigga to move me. What you love? Hey, I don't love no bitch, I love shooting. Who you gon' hold it for? Still gon' hold it for Reese and a little scooter. Fair. Oh, I love him. Hey, who in this bitch? Hey, folk ain't in this bitch, throw it up. Hey, I'm Whittier, I'm Wayburn, I'm Lake Point, I'm Roxbury. Oh, I love him. Forever. I shit that got Moxbury. Same shit. R.I.P. with Mitchell. Hey, that's the same shit that got App Cook. I held him down, I sat with him. Too much cheese, got rats with him. You rapper niggas, you know it's hell. Without the life sentence, my bro tell. That's facts, nigga, that's real. Cut all tests, bro, gotta get killed. Hood going crazy, I done got a little deal. Yeah, the same nigga from the six house. Probably fucking your bitch now. Convince my niggas to get money, but ain't no convincing. I'm putting them sticks down. And my nigga 14, but doing 20. Yeah, young nigga to move me. I don't love no bitch, I love shooting. We gon' hold it for? Still gon' hold it for Reese and Lil Scooter. Still gon' hold it. Oh, I love him. Hey, who in this bitch? Hey, folk ain't in this bitch, folk ain't in this bitch, throw it up. Folk ain't in this bitch, folk ain't in this bitch, throw it up. Folk ain't in this bitch, folk ain't in this bitch, throw it up. Folk ain't in this bitch, folk ain't in this. Pour a Sprite out for all my niggas who still appealing they sentence. Ain't no shaking hands, I'm not feeling. But I dap a nigga if I feel him. And I smack a nigga, then kill him. Yeah, spit on him, bitch. Ever see me riding up the six, I had that shit on me, bitch. Nigga ever see me like a bitch? Yeah, doggy bone, I hit her. I want 17, no sixer. I ain't gonna fuck if it was a pitcher. I ain't gonna fuck if it was a half gram. The right cut, you can add 10. With a couple hundred, I'm one buck. If you stay the town, I'm showing up. No plane, nothing, I'm going bust. For the same number, I'm blowing up. If you fuck with us, nigga, throw it up. Hey, my nigga 14, but doing 20. Yeah, young nigga to move me. Hey, I don't love no bitch, I love shooting. We gon' hold it for? Still gon' hold it for Reese and Lil Scooter. Oh, I love him. Let him know who in this bitch. Hey, who in this bitch? Hey, folk ain't in this bitch, folk ain't in this bitch, throw it up. Folk ain't in this bitch, folk ain't in this bitch, throw it up. Folk ain't in this bitch, folk ain't in this bitch, soda. Folk ain't in this bitch, folk ain't in this bitch, soda. Hey, my first big watch, hey. Fuck all my niggas, bitch. I'm so fucked. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Crac-crac Radio Sud.net. 101.8. La 25e, on est toujours là jusqu'à minuit. L'émission spéciale Molly. Radio Sud. 101.8. Radio Sud.net. Yes. Collect. I used to worry and stress. I used to pray for a check. Used to want a ball like the Nets. Make a million then invest. Magic City make a mess. Not the Rolex to protect. I got a dripper if she wet. Bring forever does the set. And get no money you in debt. I was dreaming about a bit. I ain't even pay the rent. Make sure the money well spent. Now I'm all rich and wealthy. Pockets real healthy. Ain't nothing they can tell me. I'm a dripper LV. I'm a flex like you never seen. On the cover of a magazine. Diamond buzzer bitches stalking me. Rich, they think I hit the lottery. Yeah. Thinking God I'm where I'm supposed to be. It's baby blue, I ride a Lamborghini. Seeing money, thought I'd never see. I'm a nigga you can never beat. The world is mine, actually. All you little niggas work for me. I bought a tank, nigga, masterpiece. My chopper shooting like an athlete. My AP is a sight to see. My bitch put it right up on the beat. It's just a ball for it for the week. They want my plug cause the price is cheap. I'm the boss, I don't need to speak. I'm the nigga that you wanna meet. I put time for it on the feet. I'm making the money don't make me. Smoking the Cali best. Right on the biggest jet. I got a bigger check. I used to call collect. I used to worry and stress. I used to pray for a check. Used to want a ball like the Nets. Make a million then invest. Magic City make a mess. Not the Rolex to protect. I got a dripper if she wet. Bridge forever does the set. And get no money you in debt. I was dreaming about a bit. I ain't even pay the rent. Make sure the money well spent. I give you the world. You know what I'm saying? The world is mine. The world is yours. L'indépendance, c'est une nature. Les gens indépendants croient en leurs rêves et ne renoncent jamais. Toute leur vie, ils vont au bout de leurs engagements pour contribuer à une vie meilleure. Et comme ils nous ressemblent, on les retrouve souvent dans nos magasins. Chez La Vie Claire, depuis 70 ans, notre indépendance nous permet de dessiner une autre bio. À bientôt chez La Vie Claire. There's more money. Fiends at the door, no bitch still coming. Send my Virgo 200. Best come and catch me. My necklace look like diamonds. It's reckless. Niggas hating on me. Come test me. All in Miami, your most high beast with loaded weapon. And my shoes, they made by Dior. Watch your steppin'. Them crowd on your diamonds, your jeweler should've fucking kept it. I'm fucking and banging your hoe. Treat her a lesson. I heard you be playing with your nose. Flex. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. L'émission spéciale Molly ce soir jusqu'à minuit. On est toujours là, toujours là. Je suis désolé, je suis parti un instant et il y a une pub qui s'est lancée, donc j'espère que vous m'en voudrez pas pour ça. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre sur Instagram, c'est émission la 25e. Pour tous ceux qui veulent rejoindre l'Instagram de Molly, c'est chez Molly sur Instagram. Donc n'hésitez pas à abonner, n'hésitez pas à envoyer des messages et surtout n'hésitez pas à passer au shop situé 60 rue Berceau à Besançon. Pour ceux qui ne situent pas, c'est dans la boucle, c'est rue des Granges à gauche. Voilà, rue des Granges à gauche quand on remonte la rue des Granges en sens inverse, si je ne me trompe pas. Alors Molly, Fares, excuse-moi à chaque fois je dis Molly, mais je voulais te parler un peu plus, en profondeur de l'univers du skate et l'univers hip-hop, donc les liens qu'il y a un peu entre les deux, et puis aussi du skate en France à l'échelle nationale et l'échelle locale aussi, tu vois. Donc ma première question, c'est la représentation du skate en France pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui représente le skate en France, ou est-ce que tu trouves que c'est sous-représenté ou pas représentatif? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Non, aujourd'hui, ça commence à très bien se développer. Yes. Toujours bien, moins bien qu'aux États-Unis. Hein. Bah, normal. Comme pas mal de choses. Hein. Un peu comme dans tous les domaines ouais. Un peu issus de la street, justement. Hein. Ouais. Et non, aujourd'hui, tout,